9h. On l'attend depuis plus d'une heure. Je ne comprends pas. Il insiste toujours pour que le repas du soir se prenne à 8h et il ne tolère aucun retard. C'est d'ailleurs une chose qui m'a toujours étonné. Ton mari, avec ce sens aigu de la ponctualité et de l'exactitude, aurait fait un excellent militaire. Or, Dieu sait qu'il n'a jamais aimé les militaires. Eh bien, moi, ce qui m'étonne beaucoup plus, c'est la différence de caractère et de mentalité entre ton frère et toi. C'est à peine imaginable. Hein. Il a toujours été renfermé, irritable. Et alors, même enfant, d'une précision d'horloger. Ordonné, méticuleux, possessif. Égoïste? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, si nous sommes dissemblables, mon frère et moi, nous n'en sommes pas moins très liés, très attachés, par une solide et authentique amitié. On peut aimer les gens et les voir tels qu'ils sont. Nous aurions tort d'être trop sévères. Les circonstances nous obligent à la plus grande clémence. Mais où est-il? Il est sorti? Non, enfin je ne crois pas. Je ne l'ai pas vu sortir. Il doit être dans sa chambre. Madame m'a appelé. Oui, Émile. Voulez-vous monter dans la chambre de monsieur et lui dire que nous l'attendons au salon? Bien, madame. Monsieur! Oh! Madame, monsieur. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Monsieur. Mais quoi, monsieur? Là-haut, monsieur. Mais quoi? Mais monsieur, monsieur, monsieur est là-haut. Mais oui, nous le savons. Mais vous lui avez dit que nous l'attendions? Non, non, je n'ai rien dit. Monsieur est mort. Théâtre radiophonique. Radio Nederland à Hilversum, aux Pays-Bas, vous propose un scénario de Pierre Olivier, dialogué par Jean-Louis Baril. Le coupable n'a pas tué. Une émission de Jean de Give et Jean Ruche. Au sud des Pays-Bas, dans un décor pittoresque de prairies vertes et de forêts accueillantes, un manoir, une riche demeure en pierre de taille, abrite les trois personnages principaux de notre histoire. Madame Sylvie Van Klaas, son mari Jean-Pierre et son beau-frère François Van Klaas. C'est monsieur Jean-Pierre Van Klaas, le mari, qu'un domestique vient de trouver mort dans sa chambre. L'inspecteur sera là dans quelques minutes. Et pourquoi me regardes-tu ainsi, Sylvie ? Il faut faire vite, François, vite. Faire vite? Oui, comprends-moi bien. Je n'accuse pas. Je ne juge pas. Tu as toujours toute ma confiance, mais il faut absolument cacher et faire disparaître ce revolver, et puis... Non, nous ne devons toucher à rien avant l'arrivée de l'inspecteur. Mais tu ne te rends pas compte. Mais c'était mon revolver qui est sur le lit de Jean-Pierre. Je le sais, j'y ai déjà pensé. Mais je suis innocent. Je suis comme toi, Sylvie. Je ne comprends rien à cette tragédie, rien du tout. Mais cette arme t'accuse. Voyons, Sylvie, réfléchis. Cette arme m'accuse. Pourquoi? Parce que j'en suis le propriétaire? Crois-tu que si j'avais commis ce meurtre, j'aurais eu le mauvais goût de signer mon crime en oubliant volontairement mon revolver? Non. Non, au contraire, ce revolver m'innocente. Nous ne devons toucher à rien. Non, tout ce que je te demande, Sylvie, c'est de me faire confiance, de me croire. Oui. Oui, François. Monsieur Jean-Pierre Van Classe a été trouvé mort, étendu sur son lit, un revolver à portée de la main. Averti de cette macabre découverte, l'inspecteur Burma ne tarda pas à se rendre chez les Van Classe pour s'y entretenir avec Madame Van Classe et François, le frère de la victime. Tout est resté en place. Absolument. Vous n'avez touché à rien. À rien du tout. Bien. Et c'est le domestique qui a trouvé le cadavre. Oui, Émile, notre domestique. Oui. Et à quelle heure? Un peu après 9h. Bon. À quelle heure avez-vous l'habitude de dîner? Nous dînons tous les soirs à 8h. Et vous aviez prévu de dîner plus tard aujourd'hui? Non. Et vous n'avez pas été surpris par le retard de votre frère? Si, extrêmement surpris. Mais... Enfin, nous avons pensé qu'il valait mieux ne pas le déranger. Oui, oui, oui, oui. Depuis quelque temps déjà, mon mari était devenu irritable, étrange même. Mais évidemment, nous ne disions rien. Nous supportions ses caprices. Évidemment. Et pourquoi? Mon frère était atteint d'une maladie incurable. Et il le savait. C'est ce qui explique ses humeurs tellement changeantes. Et son comportement... étrange. Ouais, oui, oui, oui. Et évidemment. Et il n'avait pas d'autres soucis? Non. Il était obsédé par cette maladie qu'il rongeait et il ne pensait à rien d'autre. Pas de soucis d'argent? Oh non, absolument pas. Mon mari avait des revenus suffisants pour ne pas s'en préoccuper, ne pas se laisser abattre par des questions matérielles. Et vous, monsieur Van Classe? Vous habitez cette maison depuis longtemps, non? À la fin de la guerre, après ma captivité, mon frère m'a offert de venir vivre ici, chez lui. Et j'ai accepté. Et, enfin, comment dirais-je, votre frère a offert de vous héberger gratuitement. Que voulez-vous dire? Enfin, vous participez aux frais de... Sachez, monsieur, qu'il n'y a jamais eu entre mon frère et moi le moindre problème... La moindre allusion à ce qui a trait à l'argent. Hélas, je n'ai pas les revenus de mon frère. Il le savait, mais il n'a jamais fait mention de ces choses. Oui. Et, disons, par exemple, si vous n'aviez pas eu votre frère, comment auriez-vous vécu? Vous voulez savoir quels sont mes revenus? Oui, voilà, c'est ça. C'est très simple. Tout ce qui me restait de ma part d'héritage, honnêtement, ça n'était pas grand-chose, a été transformé en valeur, sûre. Et je perçois chaque mois un petit revenu qui m'offre l'illusion de vivre confortablement. Oui. Et maintenant? Maintenant? Oui. Maintenant? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore pensé à ce qui pouvait m'arriver. Maintenant... Je veux qu'on fasse toute la vérité autour de la mort de mon frère. À vrai dire, l'inspecteur Burma n'avait pas la moindre idée de ce qu'il allait faire pour orienter ses recherches. Une chose était certaine, l'assassin, si toutefois il y en avait un, se trouvait dans la maison. Mais... n'était-ce pas tout simplement un suicide? L'inspecteur allait maintenant interroger séparément les habitants de cette maison. Non! Non, jamais, monsieur l'inspecteur. Vous n'aviez jamais imaginé que votre mari pouvait se suicider? L'idée ne m'en est jamais venue. Votre mari était malade depuis longtemps. Depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, quelle était la nature de vos rapports conjugaux? Que voulez-vous dire? Vous viviez avec votre mari comme avant? Nous faisions chambre à part depuis 5 ans. La maladie de mon mari n'a absolument pas modifié nos habitudes, notre manière de vivre. Et François, votre beau-frère? Oui. Quelle a été sa réaction? Lorsque mon mari est devenu malade? Oui. Oh, il a été admirable. Il a toujours fait ce qu'il pouvait pour aider son frère. Il a, avec beaucoup de tact et de discrétion, il a pris en main les destinées de cette maison. Il a fait de son mieux pour remplacer mon mari. Et votre mari, il supportait cette générosité de sentiments? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il avait l'impression que son frère voulait prendre sa place? Non. Non, non, je ne crois pas. Je crois qu'il souffrait de ne plus être le maître absolu. Et s'il en voulait à son frère, enfin inconsciemment d'ailleurs, c'était parce qu'il se savait dépendant, son frère. Il vous en parlait quelquefois? Non, non. Il n'était pas jaloux? Jaloux? Oui, enfin, jaloux de l'influence de son frère. Oh non, non, enfin, je ne crois pas. Mais vous n'en êtes pas certaine? Il ne m'a jamais rien dit. Savez-vous que le revolver que nous avons trouvé appartient à votre beau-frère? Oui. Ah, et nous avons également trouvé un cigare à demi-consumé. Un cigare? Mais mon mari ne fumait pas. Il y avait pourtant sur la table de nuit un cendrier contenant un cigare écrasé. Je ne comprends pas. Eh oui, c'est en effet très étonnant. Il n'y a pas de fumeur dans la maison. Si, François, mon beau-frère, c'est un fumeur de cigares. Le cigare trouvé dans la chambre de votre mari portait une bague Super Sumatra. Super Sumatra? Oui. Mais ce sont les cigares de François. Ah, c'est étrange. Mais que voulez-vous dire? Vous avouerez que tout cela est pour le moins surprenant. On trouve votre mari tué d'une balle de revolver. Le revolver appartient à votre beau-frère. Vous me dites que votre mari ne fumait pas, or nous trouvons dans sa chambre un cigare qui apparemment est un cigare de votre beau-frère. Alors, bien entendu, j'écarte immédiatement l'hypothèse d'un oubli ou d'une maladresse du coupable. Pris de panique ou gêné dans l'accomplissement de son forfait, il peut arriver qu'un criminel commette une erreur grossière, mais à ce point-là, non. Alors, que faut-il en conclure ? Pour le moment, je ne vois que deux hypothèses. Vengeance ou provocation? Vengeance ou provocation? Oui. Ou on a voulu accuser votre beau-frère, ou alors, votre beau-frère a... Mais nous verrons cela plus tard. Vous croyez que François... Je crois rien, madame, non. Je veux tout simplement savoir. Je suis prête à vous dire tout ce que je sais. Mais je crains de ne pouvoir vous en dire beaucoup plus que ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Je sais que je peux compter sur vous, madame. Je vous remercie. Pour l'instant, je n'ai plus de questions à vous poser. Mais peut-être tout à l'heure. Après mon entrevue avec votre beau-frère, M. François Van Klaas. Personnellement, vous n'avez aucun soupçon? Non. Aucune méfiance vis-à-vis du personnel? Non. C'est bien. Je vous remercie. Veuillez avoir l'amabilité de prévenir votre beau-frère de ma visite demain matin à 10h. Oui, monsieur l'inspecteur. Toutes les formalités habituelles, photos, empreintes digitales, autopsies, etc., furent accomplis rapidement. L'inspecteur Burma pressentait que la vérité serait rapidement cernée, mais il n'aurait pas su dire pourquoi ni comment. Comme convenu, le lendemain matin à 10h, il rencontrait François Van Klaas, le frère de la victime. Vous êtes seul? Oui. Mais que voulez-vous dire? J'aurais parié que vous m'attendiez avec un avocat. Non, je n'ai pas besoin d'avocat. Je suis innocent et je ne doute pas un seul instant de l'issue de votre enquête. C'est-à-dire? Je suis convaincu que vous trouverez rapidement le vrai coupable. On n'a trouvé aucune empreinte sur le revolver. Pas même les vôtres. Pourquoi les miennes? Le revolver vous appartient. Il eût été normal de relever vos empreintes. Ah oui, c'est vrai. Et le cigare, trouvé sur la table de nuit dans la chambre de votre frère, vous appartenait? Enfin, disons que ce cigare est le même que ce que je fume régulièrement. Oui, enfin, vous êtes le seul fumeur dans cette maison. Il est donc probable qu'on vous ait volé un de vos cigares. Ce sont des... Super Sumatra. Oui, c'est ça. Puis-je me permettre de vous offrir un de ces cigares? Volontiers. Je peux fumer, moi aussi? Bah, naturellement, voyons. Servez-vous, je vous en prie. Je vous remercie. Non, ne vous dérangez pas, j'ai du feu. Merci, je vous remercie. Quelles étaient les principales occupations de votre frère? Oh, depuis 2 ans, il menait une existence bizarre, désorganisée, incohérente. Il était incapable de se concentrer, de s'attacher à un travail. Mais que faisait-il? Du bricolage. Il a toujours été très adroit, très habile, très perfectionniste. Il fabriquait des meubles. Il sculptait le bois, pas mal d'ailleurs. Et vos rapports avec votre frère? Excellent. Et entre votre frère et sa femme? Oh, je crois que Sylvie et Jean-Pierre ont toujours été liés par une profonde tendresse. Et ils ont toujours vécu en se témoignant beaucoup de respect et d'affection. Votre frère était amoureux de sa femme? Je le crois. Et votre belle-sœur, elle était amoureuse de son mari? Je vous l'ai dit, elle avait pour lui une profonde tendresse. Et vous, monsieur Van Klaas? Oui. Vous êtes amoureux de votre belle-sœur? Monsieur. Ma question est brutale, mais je suis obligé de vous la poser. Oui. Sylvie est une très grande amie. J'ai pour elle une réelle affection. Et je crois que nous sommes surtout très liés par une affinité de goût. Oui, c'est bien. Je n'ai rien d'autre à vous demander pour le moment. Je vous demanderai cependant de ne pas quitter la maison. C'est entendu. Je suis à votre disposition, inspecteur. Vous pourrez me trouver quand vous le voudrez. Merci, monsieur. Ou cet homme est très fort, ou c'est ce que je crois, on a voulu l'accuser. L'inspecteur Burma s'entretenait maintenant avec Émile, le domestique. Et puis, je pousse la porte, et qu'est-ce que je vois? Oh là là, jamais j'oublierai. Et comment avez-vous su qu'il était mort? Vous voulez dire quand je suis entré dans la chambre? Oui. Le monsieur était étendu, les yeux ouverts. J'ai compris tout de suite. Et vous avez vu le revolver? Pas tout de suite. On m'a dit que vos rapports étaient excellents avec la victime. Monsieur Van Klaas a toujours été très bon pour moi. J'oublierai jamais quand j'ai été malade. Pendant 10 mois, 10 mois, 10 mois j'ai été malade. Eh bien, monsieur s'est occupé de moi comme... comme d'un fils. J'oublierai jamais. Oui. Et naturellement, vous saviez que monsieur était très malade. Hélas, tout le monde le savait. Et madame Van Klaas, vos rapports sont bons avec madame Van Klaas? Oui, elle vous a dit le contraire, probablement. Pourquoi pensez-vous qu'elle ait pu me dire le contraire? Vous me dites que vos rapports sont bons. Oui, évidemment, mais... Oh, elle... Elle n'est pas méchante. Si elle était seule, elle n'est pas envieuse. Alors, expliquez-vous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si elle était seule, elle n'est pas envieuse. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le dire, monsieur l'inspecteur. Tout le monde ici savait que monsieur m'avait promis une bonne part de son héritage. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit. Vous m'avez dit quoi? Ça, c'est clair. Vous n'avez qu'à interroger les gens, vous serez fixé tout de suite. Oh là là. Ainsi, dans monsieur Van Kloss, vous avez promis une bonne part de son héritage. Oui, oui, oui. Je l'entends encore. Il me disait, Émile, tu ne seras pas déçu, je ne t'oublie pas. Tu as ta place dans mon testament. Cela a suffi pour que tout le monde me déteste. Pensez-vous? Si, si. Oh, moi, je vous le dis, moi. Mais qui vous détestait? Mais c'est clair, non? C'est peut-être clair pour vous, mais pas pour moi. Qui? Monsieur François. Ah, vous voyez bien que c'est clair. Je vous pose une question. Eh bien, c'est la bonne. C'est la bonne question. Vous n'aimez pas monsieur François Van Kloss? Et lui? Vous croyez qu'il m'aime? Enfin, si vous continuez à répondre à mes questions en me posant des questions, nous n'en sortirons jamais. Alors passons aux choses sérieuses. Vous en avez trop dit pour que nous en restions là, hein? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais ah, nous n'allons pas recommencer. C'est moi qui vous pose les questions, c'est compris? Oui, oui, oui. J'ai compris. Quelles étaient les occupations de la victime, monsieur Jean-Pierre Van Kloss? Ses occupations? Oui. Il lisait beaucoup. Et puis alors, comme bricoleur, hein, imbattable. Oh, imbattable. Vous savez, à ce niveau-là, ce n'est plus du bricolage. C'est du travail de professionnel. Ah, si vous avez le temps, je vous montrerai ma chambre. Une merveille. C'est monsieur qui a tout fait. Même le fauteuil. Oh, magnifique. Pour le moment, il n'est pas question de visiter votre chambre. Et comment était madame avec monsieur? Je ne sais pas comment vous dire. Oh, elle était, enfin... elle n'était pas comme elle aurait dû être, vous comprenez? Ah, c'est vague. Oui, c'est ça, c'est vague. Vague, c'est le mot. Elle était vague. Et monsieur François? Avec qui? Avec son frère. Avec son frère? Toujours impeccable. Charmant. Dévoué, même. Vous pensez, un héritage, ça se travaille. Ah, remarquez, je vous demande de répondre à mes questions, mais je peux très bien me passer de vos commentaires. Hein. Bien, bien. Et comment se comportait monsieur François avec madame Van Kloss? Ah, voilà la bonne question. Tout est là. Que voulez-vous dire? Ma foi, je vous dis ce que vous me demandez. Ils ne se quittent jamais, ils sont toujours ensemble. Ça joue au tennis, ça va à la ville, ça fait de la musique même. Oui, oui, de la musique. Monsieur joue du violon et madame s'installe au piano. Enfin, il croit que c'est de la musique. Moi, ça me fait rire. Il joue mal. Oh là là là là, oh qu'est-ce qu'il joue mal. Bon. Et vous croyez que... Enfin, je veux dire, vous pensez que monsieur François est amoureux de madame Van Kloss? Sûr. Ah, sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Vous êtes bien affirmatif. Ben, évidemment que je suis affirmatif, je les ai vus. Vous les avez vus? Oui, dans le parc. Un jour, ils jouaient au tennis et puis la pluie est arrivée. Et ils se sont réfugiés au fond du parc. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je les observais. Et qu'est-ce que vous avez vu? Oh, ça ne trompe pas. Ce que j'ai vu? Oui. Ils s'embrassaient. Ils s'embrassaient? Oui. Et croyez-moi, pas comme à la nouvelle année. Non, non. Des tourtereaux. Des vrais tourtereaux. Et monsieur François a su que vous l'aviez vu? Mais oui, oui, c'était pas malin. Mais j'ai pas pu résister. J'ai fait du bruit pour qu'il me voie. Je voulais absolument qu'il sache que je savais. Vous comprenez? Non, je ne comprends pas. Je voulais qu'ils aient peur. Surtout lui. Je voulais qu'ils sachent que le domestique était au courant de ses petites affaires. Il ne pouvait rien me faire, rien me dire. Monsieur me protégeait. Évidemment, aujourd'hui, je n'ai plus qu'à faire mes bagages. Tant pis. Et monsieur savait, il était au courant des relations de son frère avec sa femme? Ça, je ne sais pas. Il ne vous en a jamais parlé? Non, non, il n'a rien dit. Et vous? Vous en avez parlé à monsieur? Moi? À monsieur? Oui, vous lui en avez parlé? J'étais au service de monsieur. Je ne l'ai pas dit, non. Pourquoi je l'aurais dit? Si je comprends bien, pour vous, la vie serait merveilleuse ici si monsieur François n'était pas là. Ça alors, ce serait le paradis. L'inspecteur Burma se rendit le jour même chez le notaire de monsieur Van Klaas. Ayant pris connaissance du testament, il pouvait maintenant faire certaines déductions, et déjà pour lui, il s'agissait d'une affaire classée. Il retourna chez les Van Klaas pour leur livrer la vérité sur la mort de Jean-Pierre Van Klaas. Non, monsieur Van Klaas, vous ne m'avez pas aidé. Vous ne m'avez pas tout dit. J'ai dû apprendre la vérité de la bouche d'un domestique. Non, je vous demande pardon, inspecteur. Je défendais l'honneur de madame Van Klaas. Oui. Mais je vous le jure, je suis innocent. Je le sais. Je sais aussi que votre frère était au courant de votre liaison avec sa femme. Comment? Mais jamais. Mais nous n'avons rien fait qui eût pu laisser croire. Je sais, je sais, je sais. Quelqu'un s'est pourtant chargé de divulguer ce secret. Le domestique. Et qui voulez-vous que ce soit? Votre frère s'est suicidé. Il se savait condamné par la maladie. Il savait depuis 5 semaines les relations qui vous unissaient à sa femme et il a préféré disparaître. C'est affreux. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous en supplie, monsieur l'inspecteur. Je vous en supplie, il ne faut pas que Sylvie soit au courant de tout cela. Ça, mon cher, on verra. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce domestique? Il devrait être là. Comment vous? Vous voulez m'interroger avec le domestique, en présence de ce personnage? Je n'ai pas le choix. Ah, vous voilà, vous. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Entrez. Allez, approchez, approchez. J'ai vu le notaire cet après-midi. Ah, vous avez vu le notaire? Oui. Vous n'avez aucune raison de vous réjouir, monsieur. Ah. Monsieur Van Klaas s'est suicidé. Il y a longtemps qu'il avait décidé de mettre fin à ses jours. Depuis 5 semaines, exactement. 5 semaines. Lorsqu'il a su que son frère abusait de son hospitalité, profitait de sa maladie. Ah, monsieur, je vous en prie. Non, monsieur, hein. C'est moi qui vous en prie. Taisez-vous. Lorsque Jean-Pierre Van Klaas a su qu'il était entouré, qu'il vivait au milieu de la trahison, il a préféré disparaître. Mais c'est sa vengeance posthume. Il a modifié son testament. La plus grosse partie de l'héritage ira à des œuvres. Le reste sera placé sous séquestre jusqu'à ce que sa veuve ait 60 ans. Et elle entrera en possession de cet héritage à la condition qu'elle ne soit pas remariée. Quant à vous, le domestique, vous aviez une part très belle dans le testament, oui. Mais M. Van Klaas a compris votre plan puéril, vos intentions malsaines. En lui révélant la nature des rapports entre son frère et sa femme, vous l'avez atteint en plein cœur. Vous l'avez tué. Ce n'est pas vrai. Taisez-vous. Vous parlerez si je vous interroge. Il n'y a rien pour vous, monsieur, dans cet héritage. Rien du tout. Mais il m'avait promis. C'est fort, ça. Il avait promis lorsqu'il croyait en vous. Voilà, messieurs. Je me trompe. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Ma mission est accomplie. Oh, rassurez-vous, monsieur François Van Klaas, vous êtes libre. Enfin, si je puis dire. Je n'aimerais pas être à votre place. Vous êtes libre, mais pour toujours, vous serez prisonnier de votre remords. Mais moi, alors? Vous? Je vous emmène. Qui? Moi? Pourquoi? Ah, vous ne le savez pas. Pas content de tuer moralement votre maître, vous espériez faire condamner le frère de la victime. Grossièrement, vous avez écrasé un cigare appartenant à François Fanclas et vous avez fait disparaître les empreintes sur le revolver. Absurde, vulgaire. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant? Belle question. C'est le tribunal qui vous répondra. Vous venez d'entendre Le coupable n'a pas tué, un scénario de Pierre-Olivier, dialogue de Jean-Louis Baril. Dans le rôle de Sylvie, René Legrand, l'inspecteur Bourma, Pierre-Olivier, François Fanclaz, Serge Bourrier, Émile le domestique, Marc Cotel. Les textes de liaison étaient lus par Hélène Godard. C'est une émission de Jean de Give et Jean Ruche, une production de Radio Nederland à Hilversum, aux Pays-Bas.